Radio Campus, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Alors, il est midi ce 31 décembre 2026 et vous préparez... Ah. Oui, le 31 janvier, excusez-moi, 2026. Et vous préparez à écouter sur les 106.6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campusville.com et DAB+, Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et donc ATTAC est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Et aujourd'hui au micro, Didier, Morgane, Christian, le retour de René et moi-même aux manettes. Et de quoi va-t-on parler, Christian, aujourd'hui ? Eh bien, on va parler de la nature en ville. Avec des gens parfaitement qualifiés pour ça, comme d'habitude. Mais avant tout, je voudrais dire, sonnez trompette, battez tambour, René est de retour. Oui. Voilà. Enfin. Bravo. J'aurais peut-être pas trop beaucoup de questions. Enfin, je reviens progressivement, disons. Voilà, ouais, on va le dire comme ça. Bien, donc je reviens au sujet. Donc aujourd'hui, c'est de la nature en ville. On en reçoit Bénédicte Vidaillé et Yolande Vindels, qui toutes les deux marquent le territoire lillois par leur présence et leur action depuis quelques années, même depuis 10 années, on va le dire, avec Bénédicte. Pour commencer, il y a eu ce 15 janvier dont il est question d'ailleurs dans le plan qui était proposé à tout le monde. Le 15 janvier, que s'est-il passé? Qu'avez-vous voulu faire? Bénédicte, tu as la parole. Alors d'abord, merci à vous de nous inviter pour parler ces sujets très importants, parce que c'est vrai que vous nous avez suivis depuis longtemps et c'est aussi un peu grâce à vous que on a pu au fur et à mesure communiquer sur autour de nos luttes. Donc merci de nous inviter et de nous suivre. Donc le 15 janvier, en effet, on avait une conférence, on organisait une conférence à Sciences Po dans le cadre des municipales, donc une conférence débat, donc le premier débat d'ailleurs dans le cadre des municipales, dédié à la question de la nature en ville, mais plus largement à la critique de la densification urbaine et la critique aussi du modèle de métropolisation, mais ça je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Une conférence dans laquelle donc 5 associations environnementalistes lilloises étaient présentes. Et on avait également convié tous les candidats au municipal, donc sauf le RN, sinon on avait convié donc les 5 autres listes, et on avait finalement 4 candidats présents, donc celui qui s'est dégonflé au dernier moment, il l'a dit lui-même à Mediacité a posteriori, c'est Louis Delemaire, donc le candidat de la droite, parce que lui il veut faire 5000 logements à Saint-Sauveur, et donc il n'a pas osé venir en parler, bon, ce qui dit déjà quelque chose d'intéressant sur son courage politique, mais on avait quand même les 4 principales 4 principaux candidats qui étaient là pour réagir en fait à nos arguments et à nos propositions. Et il faut quand même noter que pour la première fois, on avait le maire, donc Martine Aubry, on l'avait invité, enfin on n'avait encore jamais pu la rencontrer parce qu'elle nous avait toujours fui, conspué, etc. Et là, on avait quand même Arnaud Deslandes qui était là, bon, qui n'a pas été très apprécié dans son intervention, mais qui a eu quand même le courage de venir et de nous exposer son projet pour Saint-Sauveur. Alors, nos 5 associations, donc... pourquoi 5 associations cette fois-ci, alors qu'en 2000, pour les municipales de 2020, on avait déjà fait un une conférence débat. Donc une conférence débat où on ne parlait que de la friche Saint-Sauveur, donc c'est 23 hectares de la friche Saint-Sauveur. Là, 6 ans après, finalement, il y a d'autres luttes sur le territoire qui se sont développées. Je pense que Saint-Sauveur, ça a été quand même un signal pour les citoyens, les habitants, qu'on pouvait se mobiliser et qu'on pouvait... on pouvait mettre en place des moyens un peu plus offensifs quand on n'était pas d'accord avec les projets qui nous étaient présentés, d'une part. D'autre part, si d'autres associations que Saint-Sauveur se sont développées, c'est que, au fond, on lutte toutes contre le même modèle, qui est un modèle de densification urbaine et de métropolisation. Et donc là, on avait 5 associations. Donc, moi, je parlais en tant que cofondatrice et coprésidente de Parc pour parler de la friche Saint-Sauveur. Ensuite, il y avait, Vito pour parler de donc l'association c'est LM Oxygène sur la friche québécoise, donc une petite friche mais qui est quand même très intéressante dans les problématiques posées à LM. Ensuite Yolande pour l'association de l'air, donc là c'est sur le secteur Bois Blanc, l'Homme Marais, et là on est sur des projets d'une centaine, enfin une zone d'une centaine d'hectares. Ensuite, on avait Hélène de l'association Entrelianes pour prendre un peu de recul en fait sur le territoire et nous parler de la question de la consommation des terres agricoles et naturelles et de la ressource en eau. C'est-à-dire la question, c'est comment on tient compte des ressources finies du territoire, dont notamment les terres et l'eau. Pour concevoir l'aménagement de ce territoire. Et enfin, Cédric de l'association Haute-Mel, qui est une association créée plus récemment, mais qui fédère en fait les différentes luttes, qui a fait partie des associations qui ont attaqué récemment le plan local d'urbanisme et qui nous permettait de prendre de la hauteur pour sur ce modèle justement de métropolisation. Voilà, donc c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé le 15 janvier à cette conférence débat. Oui, alors on peut préciser que ce jour-là, il y avait du monde, beaucoup de monde. Et effectivement, tu as raison de dire que Deslandes était là. C'est pour ça que je voudrais parler 2 minutes de 2020, puisque la réunion préparatoire aux élections de mars 2020, c'était votre conférence a eu lieu en novembre, je crois. C'était en novembre 2019, oui. D'accord. Alors j'imagine que tu veux parler de quelque chose qui était très drôle, c'est que Marc-Philippe Daubresse était là, donc c'était le candidat de la droite. Et Marc-Philippe Daubresse, donc interrogé par rapport à nos propositions, nous a fait tout un laïus. Donc il avait l'air très très convaincu qu'en effet, il ne fallait absolument pas construire sur Saint-Sauveur. Et c'est là que je l'ai interrogé en lui demandant comment il faisait pour concilier ça avec le fait que jusqu'à encore quelques mois avant cette date, il était vice-président de l'AMEL et que c'est lui qui avait signé toutes les délibérations qui concernaient Saint-Sauveur et qui prévoyaient de construire 2500 logements, de faire un méga piscine olympique avec une fosse de plongée de 43 mètres de profondeur. Enfin voilà. Donc comment il arrivait à nous dire ça droit dans les yeux, qu'il fallait zéro construction sur Saint-Sauveur, alors que c'était quand même lui qui était responsable politiquement avec Martine Aubry évidemment, mais en tout cas c'était lui qui s'était fait le relais de Martine Aubry à l'AMEL pour porter ses délibérations d'urbanisation massive, de bétonisation massive de la friche Saint-Sauveur. Oui, et puis Martine Aubry a décliné l'invitation d'ailleurs. Oui, elle nous a répondu par voie de presse, donc en disant que, en dénigrant notre association et notre action, et en disant que évidemment il fallait qu'elle fasse absolument cette entre guillemets éco-quartier. On pourra peut-être y revenir sur ce que c'est qu'un éco-quartier. Et donc elle n'était pas présente en effet. Alors, maintenant on peut repasser à 2026. Je précise quand même que Stéphane Bally était déjà là aux élections de 2020. Et puis, il y avait pour LFI Julien Poix, qui, lui, suivait quand même l'affaire Parc, il me semble. Oui, on a toujours été très bien suivis aussi par le député de l'époque, le député LFI Adrien Quatennens. Oui, d'accord. Bien, et bon, on va passer au 15 janvier maintenant, on va passer la parole à Yolande, puisqu'on a parlé de 100 hectares de possibilités d'espace vert, de verdure. Alors, plus précisément, en fait, je vais parler de la grande opération des rives de la Haute-Deux qui s'étale sur l'île Bois-Blanc et sur Marais à l'Homme. 100 hectares, c'est le périmètre de l'opération à terme. C'est énorme, hein, puisque c'est quatre fois, en fait, Saint-Sauveur. Mm-hmm. Alors, le 15 janvier, il s'agissait de parler effectivement du problème de la densification de la ville et donc de la place de la nature en ville. Donc moi, j'ai centré mon intervention bien sûr là-dessus. J'aurais pu parler d'une opération de logement aviateur Pointe des Bois-Blancs qui nous pose beaucoup de soucis, mais c'était pas le sujet. Donc on pourra peut-être là ce matin... On va en parler quand même, oui. Voilà. Donc, en fait, sur ces 100 hectares, bien sûr, c'est une grosse opération, donc elle se met en place petit à petit. Et donc, il y a déjà, aujourd'hui, on voit sur le terrain, autour de Ratechnologie, parce que c'est un signal que tout le monde repère à peu près, une première opération qui fait 25 hectares et qui a une capacité de droit à construire de 150 000 mètres carrés. Et la deuxième phase, juste à côté, sur le territoire de l'Homme, s'enclenche. Et là, c'est 13 hectares, donc on peut dire que c'est la moitié de 25. Et c'est toujours plus de 150 000 mètres carrés de droit à construire. Donc, on le voit pas encore aujourd'hui, mais ça va doubler en densité, ça va prendre de la hauteur, il va y avoir de l'ombre, etc. La difficulté, effectivement, pour nous, de l'air, qui nous sommes créés en 2022, c'est de motiver les gens avant que le problème n'arrive. Et ça, c'est genre, les prises de conscience sur l'urbanisme et à la citoyenneté, c'est vraiment un gros travail qui est déjà enclenché, mais qu'il faut bel et bien poursuivre. Donc, 150 000 mètres carrés encore à venir sur Marais essentiellement. Il faut se poser la question. Et par rapport à la nature en ville, nous avons donc deux grandes propositions. Une proposition de 30 hectares de grande nature avec et autour de la gare d'eau. C'est une très belle opération qui pourrait se faire et qui en plus permettrait d'offrir à la ville de Lille et à la ville de l'Homme une très belle entrée de ville. On sait que la France est connue pour ses entrées de ville moches et très moches. Et là, avec la trame verte et bleue que l'on a, voire la trame noire, on peut faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, notre proposition pour ce secteur-là, c'est 30 hectares de grande nature en ville et c'est également sur Marais-Montacan un besoin d'espace vert public de proximité sur les préconisations de l'OMS. J'aime bien rappeler que Philippe Gautret, qui est coprésident de Delaire, a initié cette réflexion et avec donc ces petits calculs nous a permis de comprendre que sur Marais-Montacan il nous manquait 10 hectares d'espaces verts publics de proximité, autant dire ce sont des espaces verts de type square. Et donc nous avons bien sûr du coup chercher des lieux et il y en a. Donc en fait c'est tout à fait possible de mettre en place ces deux projets, 30 hectares autour de la gare d'eau et les 10 hectares sur Marais Montacan. Donc voilà, ça c'était l'essentiel de ce que j'ai dit ce jour-là. Encore une fois, on pourra parler des aviateurs Pointe des Bois-Blancs tout à l'heure si vous avez des questions. Mais bien sûr qu'on en aura. Alors, il faudrait revenir peut-être sur Parc. Quelle est la question que vous avez posée aux élus qui étaient devant vous? Alors, je rappelle qu'ils sont ces élus. Il y avait donc des Landes, on l'a déjà dit, Stéphane Bally, Violette Spielboot et Lawaria Andouche. J'oublie personne. C'est ça. Elles étaient toutes les quatre. Hein. Quelles étaient les questions et quelles étaient les réponses aussi? Oui, on va effectivement faire comme ça. Alors, on t'écoute sur Parc. Oui, petite intro, si tu veux, aussi, hein, bien sûr. Oui, la question qu'on a posée, c'était évidemment de savoir quel était le projet de ces différentes têtes de liste sur les 23 hectares de la friche Saint-Sauveur. Alors, c'est plus tout à fait 23 hectares, parce que là, il y a quand même 3,7 hectares de parc qui sont en train d'être aménagés la partie nord-est de la friche. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a du logement ou pas, est-ce qu'il y a des bureaux, des commerces, etc. Alors, on peut rappeler le projet de la ville, oui, donc pour cette, bien sûr, encore une fois, entre guillemets, éco-quartier. Donc, le projet de la ville, et là, Arnaud Deslandes donc, confirme que c'est le projet qu'il fera s'il est élu, c'est 2500 nouveaux logements. Donc 165 000 mètres carrés de droits à construire. Je donne les chiffres parce que c'est par rapport à ce que disait Yolande, on voit que c'est assez proche. C'est 40 000 mètres carrés de bureaux, c'est 25 000 mètres carrés de commerce et d'activité, 20 000 mètres carrés d'équipements publics, plus ce parc. Voilà. Nous, notre proposition, c'est de dédier entièrement cet espace à un grand espace de nature. Alors, pour quelles raisons ? D'abord, il faut connaître les chiffres généraux à Lille, c'est que, et ça, ce sont les chiffres officiels, à Lille, il y a 17 mètres carrés de nature publique par habitant, contre 50 mètres carrés pour les 50 plus grandes villes françaises. Et ça, c'est donc l'Observatoire des villes vertes. Et ce sont les chiffres qui sont repris par la ville elle-même. La ville d'Angers, par exemple, qui est la première, elle, c'est 86 mètres carrés d'espace de nature publique par habitant. Vous voyez, et nous, on est à 17 à Lille. Enfin, quand je dis Lille, c'est Lille, l'Homme et l'Aime. Bon. Strasbourg, c'est 50, je crois. C'est plus que 50. Plus 50. Strasbourg, je crois que c'est 65. Ah oui, bon. Et donc déjà, en moyenne, on voit bien qu'on est très très déficitaire. Mais alors, ce déficit, il est accentué par une spécificité de Lille, c'est que la répartition en plus de ces espaces verts est très très inégalitaire, puisque 80% de ces espaces sont situés à la Citadelle et au parc Vauban, donc à proximité des quartiers privilégiés que sont Vauban, le Vieux-Lille et le nord du quartier centre. Hein. Voilà, donc c'est un constat qui est géré sans appel. Bon, il faut savoir que il y a un lien direct entre l'accès à des espaces verts de proximité et la santé. Donc nous, on n'est pas juste... Alors évidemment, il y a des questions de biodiversité, il y a des questions d'îlots de chaleur urbains, etc. Mais le 15 janvier, on a vraiment insisté sur un aspect qui est le lien entre accès à des espaces verts de proximité et la santé. D'ailleurs, sont les chiffres, vous avez cité les chiffres de l'OMS, d'ailleurs. Oui, c'est ça. On s'appuie sur les chiffres de l'OMS. Alors, déjà, les espaces verts publics de proximité, pourquoi c'est important? Parce que ça a de multiples bénéfices sur la santé physique et psychique. Ça permet de lutter contre les îlots de chaleur, donc de rafraîchir les températures en période de canicule. Ça permet de pratiquer une activité physique, de se promener tout simplement, de rencontrer des gens, de se ressourcer, etc. Voilà. Donc, ça a été vraiment bien démontré par l'OMS, sauf qu'il faut deux conditions, en fait, pour qu'il y ait ce lien entre cet aspect bénéfique sur la santé. Il faut que, un, ce soit des espaces de proximité. Proximité, ça veut dire quoi pour l'OMS? Ça veut dire accessible à 5 minutes à pied ou ça veut dire 300 mètres, en fait, voilà. 300. Être à 300 mètres de l'entrée, en fait, de ces espaces publics. Et il faut, donc ça c'est la première condition, la proximité. La deuxième condition, c'est il faut un espace minimum par habitant, c'est-à-dire 10 mètres carrés par habitant. Et à partir de là, donc Yolande faisait allusion à ça, c'est-à-dire qu'on a deux camarades, Philippe et Christophe, qui ont fait un travail incroyable dans le cadre de nos associations pour cartographier, donc à partir des données INSEE, plus, enfin toutes les données publiques, pour cartographier, en fait, pour chaque habitant de l'île, à combien il est d'un espace de nature, quelle distance, et en moyenne, à combien il a accès, en fait, combien de mètres carrés, voilà. Et on est arrivé, donc ça, ils ont fait ça sur toute la Melle, donc c'est un travail énorme. Et si on se concentre sur l'île L'Homme et L'Aime, on se rend compte que 76%, donc on va dire les trois quarts de la population de l'île L'Homme et L'Aime, n'a pas accès à 10 mètres carrés d'espace de nature publique à 5 minutes à pied de chez lui ou de chez elle. Trois quarts des habitants de l'île Lhomme-et-Lhomme. Et qu'on peut peut-être mettre en lien avec des données de Santé publique France qui datent de décembre 2024, qui nous disent qu'il y a 358 morts prématurées par an à l'île Lhomme-et-Lhomme qui sont liées au manque d'espaces verts. C'est dans la métropole lilloise, 358 morts prématurées par an. Alors en plus, cette cartographie permet d'être très, très précise, c'est-à-dire que on voit bien que c'est très polarisé, c'est-à-dire on voit bien que on a la moitié quasiment de la population qui a accès à moins de 3 mètres carrés par habitant. Donc je rappelle, le chiffre OMS c'est 10 mètres carrés. Le chiffre pour être dans les normes OMS. Donc la moitié quasiment des habitants de l'île Lhomme-et-Lhomme ont accès à moins de 3 mètres carrés d'espace vert public par habitant. Et à l'autre bout du spectre, on a 20% qui, eux, ont accès à plus de 12 mètres carrés. Et on voit aussi où ça se situe, c'est-à-dire les 12 mètres carrés, c'est ceux qui sont notamment, comme je disais tout à l'heure, pas loin de la citadelle, et puis ceux qui sont aussi, par exemple, du Jardin des Plantes. Il y a des zones comme ça qui sont... Mais en tout cas, c'est extrêmement polarisé. Et après, si on fait un zoom... Donc ça, vous voyez, ce sont les chiffres généraux qui montrent que, de toute manière, à Lille, il y a vraiment ce problème de déficit d'espace vert et que c'est un vrai problème de santé publique. Maintenant, quid de Saint-Sauveur ? Donc, à Saint-Sauveur, donc là aussi, nos camarades Philippe et Christophe ont fait ce travail très très précis. Ils ont pris donc juste les quartiers qui sont les sous-quartiers de l'INSEE qui sont juste autour de Saint-Sauveur. Et en fait, ils font le calcul, c'est qu'il manque 21 hectares de nature publique autour de Saint-Sauveur pour respecter les normes de santé de l'OMS. C'est-à-dire que tous ces quartiers qui sont en périphérie de Saint-Sauveur, en fait, les habitants ont en moyenne 2,6 mètres carrés d'espace vert public par habitant. 2,6. Donc, je rappelle encore une fois, les normes OMS, c'est 10 mètres carrés. Et donc, juste... À partir de ces chiffres, eh bien, on se rend compte que si on voulait atteindre ce chiffre de 10 mètres carrés d'espace vert public par habitant, eh bien, il faut 21 hectares de nature publique autour de Saint-Sauveur. Eh bien, il se trouve que la friche Saint-Sauveur, elle fait 23 hectares. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est zéro construction à Saint-Sauveur et on affecte tout à un grand espace de nature. Une question de... Oui, enfin, c'est plutôt une remarque. Donc, on constate que, bon, il y a la dimension, évidemment, environnement, écologie. Il y a la dimension santé publique qui est quand même primordiale. Et il y a aussi la question des inégalités. Donc, c'est quand même... tout ça, ça nous ramène à, une certaine réconciliation, si on peut dire, entre le social et l'écologie. Oui, tout à fait, parce que finalement, les arguments, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, hein, sur la question du logement, on nous dit toujours il faut du logement, etc. On va y revenir sur ça. Mais si on est juste sur l'aspect, en effet, de justice sociale, pourquoi est-ce que les habitants des quartiers Moulins, Oisem, le sud du centre, la périphérie de Fives, pourquoi est-ce que ces habitants n'auraient pas droit, eux aussi, à un espace de nature conséquent? Et donc nos chiffres et nos cartes permettent de bien poser ça comme un vrai problème de justice environnementale, sachant que en plus ces habitants de ces quartiers qui sont quand même des quartiers défavorisés, ils n'ont pas accès à la nature publique privée. Ils habitent dans des logements collectifs. On voit très bien aussi sur les cartes qu'il y a aussi moins d'espaces de nature privés que, je sais pas, à Vauban ou dans Dieulille. On voit plus de jardins privés, etc. Donc il y a vraiment une double peine en fait pour ces habitants. Donc on n'est pas, parce que c'est vrai qu'on a été taxé de bobos écolos, qui comprennent. Non, nous, enfin, on défend ces habitants-là, et d'ailleurs on pourra y revenir, mais c'est pas par hasard que la liste de la France Insoumise clairement défend aussi, enfin, une proposition de un espace de nature intégral à Saint-Sauveur pour justement les habitants de ces quartiers défavorisés. Oui, en fait, Lille, on sait très bien que c'est une ville ségrégation spatialement, et tu confirmes largement avec les chiffres que tu donnes. Yolande. Oui, moi je voulais rajouter qu'en plus, c'est possible de trouver des espaces de nature, donc c'est une question de volonté politique. Par exemple, toujours sur le grand projet des rives de la Haute-Deule, il y a encore quelque chose comme 92 000 mètres carrés de bureaux à faire. Autant dire qu'ils ne vont pas se faire, le marché est complètement à tonne. Donc, ils sont capables. Donc, en fait, là, avec les élections qui arrivent, c'est de se dire, on peut faire une pause sur ce projet, réfléchir ensemble à ce qu'il faudrait faire et ne pas faire, et de toute façon, tenir compte de ce que le programme général, avec, par exemple, ces 92 000 m² de bureaux, ne vont pas se faire. Donc, il y a bien sûr une nouvelle équation économique à trouver, mais elle peut se trouver parce que, par ailleurs, la MEL dépense et beaucoup d'argent en nouvelle voie, par exemple sur Bois Blanc, on a la ligne au nord, on peut se poser la question de l'intérêt de cette grosse voirie. On a un boulevard industriel à arriver qui va faire 30 mètres de large, c'est aussi large que le boulevard Vauban. Est-ce bien utile? Tout ça rattaché à l'autoroute. Donc, quand on nous dit effectivement qu'il ne faut plus avoir de voiture en ville et qu'on continue à faire des voiries qui se raccrochent à l'autoroute, à un nouvel échangeur, non seulement c'est aberrant, mais là, il y a de l'argent à trouver. Donc, c'est possible. Alors, merci de cette précision, parce que c'est vraiment très utile. Tu voulais rajouter quelque chose? Non? Tu ne voulais pas rajouter? Bon, alors, vos questions brutes de décoffrage, vos questions, c'est quelles? Alors, nous, la question, c'était, quel est votre projet pour Saint-Sauveur? Donc, finalement, est-ce que vous construisez, est-ce que vous ne construisez pas, et quel espace dédié à la nature? D'accord. C'est la même question, en fait. Voilà, c'est fortement suggéré. Moi, je n'ai pas entendu de réponse. Ah bon, d'accord. Alors, ouais. Les questions, les réponses. Est-ce que vous avez un souvenir des réponses? La réponse de Deslandes, c'était très clair. Pardon. Alors, oui, la réponse de Deslandes. Alors, moi, je prends juste Saint-Sauveur. Donc, Deslandes, il fait son éco-quartier, toujours entre guillemets, hein, puisqu'on est à la radio, vous ne voyez pas le petit mouvement que je fais, mais là, vraiment, je mets toujours entre guillemets éco-quartier. Donc, il ne change absolument rien. Il n'enlève pas un mètre carré de bureau, il n'enlève pas un mètre carré de surface commerciale. Bon, voilà. Mais au moins, il a eu le courage de venir nous le dire en face. Ensuite, on a... alors, à l'autre extrême, on a... la France Insoumise qui eux donc ne font donc c'était la Waria à Douche, ils font zéro construction, c'est un grand espace de nature. Et puis entre les deux, on a la liste Stéphane Bally pour les Verts et puis Violet Spielboot pour qui est macroniste. Et donc ils font quand même un grand espace de nature. Alors, si on regarde Violet Spielboot, elle disait elle-même qu'elle a beaucoup évolué, puisque en 2020, elle préconisait encore de faire à peu près 1500 oui. logements. Donc là, elle reconnaissait que finalement, elle avait écouté les arguments de nos associations, et on ne peut que s'en réjouir, et que elle n'était plus du tout sur ce type de projet. Elle voulait faire un grand espace de nature et laisser à peu près 8 hectares à la discussion, laissant les choses ouvertes. En tout cas, c'est ça que j'ai entendu. Et puis, Stéphane Bally, c'était finalement assez proche. C'est-à-dire que il fait aussi un grand espace de nature. Je pense qu'il arrive à peu près à 15 hectares de nature. Et pour le reste, il organise une concertation pour savoir avec les habitants ce qu'il faudrait faire, quel type de logement, s'il faut faire du logement ou pas. Bon, ce qui est quand même assez étonnant, parce que ça fait quand même très très longtemps qu'il est élu, je pense qu'il devrait savoir ce qu'il faut faire ou pas à Saint-Sauveur. Oui, en même temps, il était dans l'équipe municipale jusqu'en 2017. Enfin, oui, disons que jusqu'en 2017, c'est vrai que les Verts, ELV, a toujours été vraiment très clairement, a toujours voté en fait le projet Saint-Sauveur. Et c'est en 2017, quand Martine Houry a eu l'idée d'ajouter la piscine sur le Belvédère, que là, les Verts se sont démarqués. Alors, dans les faits marquants, Bally avait C'est amusé avec le mot management. Il a dit qu'il faut du management du territoire. Donc voilà. Alors juste, il y a un copyright parce que ça vient de nous en fait. Je l'ai pas dit pendant la conférence, mais le ménagement du territoire, c'est nous qui l'avons, inventé en tout cas, qui l'avons utilisé, porté. Mais bon, c'est très bien de retrouver. En fait, c'est très intéressant quand les idées sont reprises. Alors c'est vrai que c'est un concept. Il faut toujours faire très attention au concept, mais c'est intéressant effectivement quand les choses sont reprises, on peut se dire que les choses avancent. Mais bon, c'est anecdotique. Pas tant que ça. Enfin, moi, je trouve que c'est pas si anecdotique que ça, dans le sens où, ça veut dire, comme tu soulignes, Yolande, que notre travail associatif, il finit par porter. Enfin, quand on voit nos 10 ans de lutte à Saint-Sauveur, pour en arriver quand même à une évolution de toutes les listes, sauf la liste des Landes, sur le projet Saint-Sauveur, c'est que quand même, on est passé par là, on a martelé les esprits, on s'est beaucoup mobilisé. Et sur le ménagement du territoire, bon, c'est quand même très bien qu'il y ait un candidat qui le reprenne. Quand on a créé Hotmail, l'association qui donc fédère les différentes luttes, c'est explicite dans notre objet, c'est une association qui a pour vocation le ménagement du territoire. Alors, il y a toujours, et puis on y vient puisqu'on pensait qu'on y passerait de toute façon, des Landes, et pas seulement des Landes, disent quand même qu'il faut des logements. Et ce serait bien que, justement, là, sur Parc, dans les quartiers de la Haute-Deule, il y aurait des logements. Alors, effectivement, je crois que, je ne sais plus le chiffre qu'a annoncé des Landes sur les demandes de logements à Lille, mais ça doit être 6 000, non? C'est pas ça? Il me semble avoir entendu 12 ou 13 000 par an, je crois. Non. Bon, mettons ce chiffre. D'après lui, non satisfaite, je crois. Ah, c'est tout à fait ça. D'accord. Bon, on ne va pas discuter de ce chiffre, on va discuter des logements alors. Donc, en 2023, en décembre 2023, on était à 20 000 demandes de logement social. Et là, on serait à 25 000. Sauf que, on ne sait jamais très bien comment c'est calculé, mais enfin bon. Oui. C'est des chiffres qui sont importants. En revanche, le 12 000 logements, c'est les logements vacants annoncés par Spielboot. Peut-être, oui. C'est 8% le taux de logements vacants sur l'île. En fait, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a une volonté politique de grossir l'agglomération. Donc, ça, il faut se poser cette question-là. Parce que quand une agglomération grossit, souvent, en fait, c'est qu'elle prend sur le voisinage, et notamment par rapport aux ressources, par exemple ressources en eau, c'est ce qui se passe déjà à présent. Donc c'est se poser aussi la question de savoir, c'est est-ce qu'il faut concentrer énormément et donc densifier, donc pour quel rendu de ville on a. Donc ça, je pense qu'il faut, élargir un petit peu la perspective. Je vais laisser peut-être Bénédicte avec plus de précision. Oui, alors la question du logement, c'est important qu'on la pose, puisque c'est toujours, finalement, c'est le seul argument qu'on nous oppose. C'est il faut du logement, il faut du logement, donc il faut construire sur la moindre parcelle disponible dans la métropole. Alors là, il y a, en fait, c'est donc finalement, on va opposer à chaque fois nature et logement. Bon, ce qui pour nous est un faux débat. Alors première idée fausse, c'est que on nous dit construire à Saint-Sauveur va bénéficier aux gens mal logés grâce à la proportion de 35% de logements sociaux. Bon. Alors si on regarde précisément donc en effet les logements sociaux qui sont produits à l'île L'Homme et L'Aime et qu'on les compare aux besoins, on se rend compte que alors en effet, il y a 20 000 logements demandes de logements sociaux au 31/12/2023. Mais donc 80% de ces demandes, c'est ce qu'on appelle le PLAI, parce qu'il y a 4 niveaux en fait de logement social, et le vrai logement social, c'est-à-dire les logements très sociaux qui correspondent à des revenus qui sont assez faibles, c'est le PLAI. Donc 80% de la demande de logement social à Lille, c'est du PLAI. Sauf que entre 2015 et 2022, à Lille, L'Homme et L'Aime, en moyenne, dans les nouvelles mises en location, on n'a que 18% des logements qui sont mis en qui sont du PLAI. D'accord ? Donc 80% de demandes et 18% seulement des mises en location. Et en revanche, sur une autre catégorie, la catégorie au-dessus, qui s'appelle le PLUS, là, on a 17% seulement de demandes qui concernent cette catégorie-là, sauf que quasiment un logement sur deux qui est mis en location donc dans le parc social, c'est du PLUS. Donc, finalement, ça veut dire que les programmes, toute cette construction, on dit il faut construire, mais en fait, pour faire du logement qui répond pas à la demande sociale. Donc, voilà. Et en plus, si on fait le calcul très précisément sur Saint-Sauveur, parce que là, je vous donnais le schéma global, mais si on fait le calcul sur Saint-Sauveur, c'est très simple, hein. OK, 35% de logements sociaux, dont un quart seulement en PLAI. Et là, on s'appuie sur l'étude d'impact sur Saint-Sauveur. Eh bien, sur les 2500 logements prévus, ça ferait 219 en PLAI. Alors, il faut peut-être arrêter ce foutre du monde, c'est-à-dire de nous dire qu'il faut construire 2500 logements pour en construire seulement 219 qui répondront en effet à la demande de logement social. On a envie de dire tout ça pour ça. Hein. Deuxième idée fausse, c'est qu'on nous dit pour faire baisser les prix de l'immobilier, il faut construire. Hein. Et c'est ce qu'on appelle la théorie du choc de l'offre. Sauf que quand on regarde les courbes, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, il y a une augmentation du nombre de logements qui est très régulière, et parce que en effet, à Lille, on n'a pas arrêté de construire depuis 30 ans, que c'est décorrélé en fait de l'augmentation de la population, et que parallèlement à cette augmentation en fait du nombre de logements, on a eu une augmentation encore plus forte du prix du logement, corriger l'inflation. Donc là, on avait montré des courbes. Donc il faut arrêter de nous dire qu'il faut construire pour faire baisser les prix, puisque ce qui se produit, c'est exactement l'inverse. Et c'est très simple. Et ça, c'est les sociologues, par exemple, ou les spécialistes de l'économie, l'immobilier de l'université Lille, je pense à quelqu'un comme Fabien Desage, par exemple, que je crois que vous avez déjà invité. Enfin, qui est vraiment voilà. il montre bien à quel point, un logement sur deux à Lille, un nouveau logement est acheté par un investisseur. Les investisseurs, ils veulent faire quoi? Enfin, ils veulent spéculer, ils veulent de la rentabilité. Donc ça fait augmenter mécaniquement le prix de l'immobilier. Et puis à partir du moment aussi où on choisit de cette politique d'attractivité du territoire, mettre tous les services, toutes les infrastructures sur la ville-centre, de jouer la politique de l'excellence, etc. Enfin ça, c'est ce qu'on appelle la politique de métropolisation. Et ben mécaniquement aussi, on crée de la demande et de la spéculation, et on fait exploser le prix de l'immobilier. Voilà. Et il y a une autre idée fausse quand même qu'il faut absolument dégonfler, c'est on nous dit il faut, parce que alors les écologistes ont porté cette idée pendant très très longtemps et ils sont encore un peu limites là-dessus. C'est il faudrait densifier la ville. Ah oui. Pour diminuer l'artificialisation des terres agricoles. Donc en fait, c'était on fait la ville intense, ou c'était on fait la ville sur la ville, etc. En fait, je l'ai peut-être pas rappelé tout à l'heure, mais nous, on part toujours des faits, en fait. C'est-à-dire que avant d'être sur la discussion, voilà, de l'argumentation politique, on est d'abord sur des faits. Les faits, c'est que quand on regarde, c'est en fait les élus ont fait les deux. Ils ont à la fois densifié la ville et pris sur les espaces de nature et les friches qui étaient en ville. Donc là, je parle au niveau de la métropole lilloise, mais ils ont aussi beaucoup artificialisé les terres agricoles. On peut donner des chiffres, hein, sur la période du plus 1, on était à peu près à 1200 hectares de terres agricoles consommées, donc plus c'est le plan local d'urbanisme. Là, on est au plus 3, ce qui est prévu entre 2025 et 2035, c'est 1038 hectares de terres agricoles à consommer. Et pourquoi, en fait, c'est que quand on choisit ces politiques de métropolisation où on densifie le cœur de la métropole, on met plus d'habitants, on met plus d'infrastructures, mais cette métropole, elle vit pas en vase clos. Donc ça veut dire qu'on va aussi ajouter tout ce qui sert à l'alimenter. Donc on va ajouter des entrepôts de taille XXL, c'est par exemple la lutte de nos camarades à Marquilly. Voilà. On va ajouter la lino dont parlait Yolande tout à l'heure, la lino qui prend sur les champs captants du sud de l'île, donc qui pourtant sont précieux pour la ressource en eau. On va vouloir agrandir l'aéroport. On va vouloir doubler certaines capacités de transport. Enfin bon, donc finalement, cette métropole qu'on densifie, eh ben, on va aussi prendre sur les terres agricoles autour pour l'alimenter. Donc, on voit où on arrive. Finalement, c'est peut-être, il ne nous reste plus beaucoup de temps dans l'émission, mais finalement, nous, derrière notre contestation et derrière nos luttes, c'est la remise en question de la politique de métropolisation. Tout à fait. Une question de Didier, une question de René ensuite. Ouais, je voulais simplement demander, enfin, on a pas beaucoup parlé de logement social, mais on a aussi parlé de logement étudiant. Quelle différence tu fais entre les... C'est la même chose ou c'est... Non, le logement étudiant, il ne rentre pas dans les catégories de logement social. Non, par exemple, là, on est sur le campus de Lille 1. Là, il y a du logement social, du logement étudiant. Mais ça, c'est un vrai problème national, en fait. Hein. C'est les conditions de vie des étudiants. René ? C'était peut-être plus une remarque, c'est que justement, cette politique de métropolisation résulte d'une vision libérale ou néolibérale de concurrence, compétitivité, et sert les intérêts finalement des puissants, des financiers. Quoi. C'est tout est un peu, on voit que tout est un peu lié. Tout à fait. Tout voilà. À fait. On voit qu'on est à attaque ici. Parce que c'est vrai, en fait, cette politique de métropolisation, c'est vraiment la vision libérale de l'aménagement du territoire. Avec, alors nous, on aime bien parler de la. Ils vendent leur CAM. La CAM, c'est quoi? C'est compétitivité, attractivité, métropolisation et excellence. Donc voilà, ouais, tous ces mots-là, ça va ensemble. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on est sur ces politiques-là. Avec toutes les conséquences que ça a, justement, parce que c'est pas qu'à Lille, en fait, c'est toutes les métropoles ont ces problématiques, y compris dans d'autres pays, comme en Belgique, hein, puisque c'est une vision libérale de l'aménagement du territoire. Donc nous, ce qu'on dit aussi, c'est quand on conteste cette politique de métropolisation, on considère qu'il faut revenir à un aménagement du territoire beaucoup plus équilibré, qui tienne compte des limites physiques du territoire, parce que nous, on est des assos environnementales, donc écologistes, donc on part du réel. On dit toujours qu'on est des utopistes, mais non, nous, on est hyper réalistes, en fait. On part des capacités physiques du territoire qui sont tout le temps niées par les décideurs politiques et économiques. Et on dit, à partir de ces limites physiques, il faut penser le territoire. Et donc, il faut arrêter de tout concentrer sur un territoire central qui aspire en fait toutes les ressources de l'ensemble du territoire. Donc sur le Nord, c'est très clair, notamment tu parlais de ça, Yolande, tout à l'heure. Enfin, toutes les villes moyennes qui se vident, qui perdent leurs ressources, leurs habitants, leurs infrastructures, leurs centres-villes, etc. Voilà, et donc là, c'est une question d'aménagement global du territoire et c'est comment on sort de cette vision libérale. Je rebondis sur cette remarque. Les municipales, c'est aussi les élections à la métropole de Lille. Et la métropole de Lille a pour compétence, justement, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et il faut donc promouvoir, il faut que les candidats aient déjà dans leur programme l'idée de rééquilibrer le territoire de la Mel. J'ai entendu l'une des intervenantes candidates aux municipales dire qu'elle voulait, par exemple, une ville de Lille forte. Et ça, bon, je pense qu'il faut bien réfléchir à la position de la ville de Lille. On a d'autres villes importantes sur la Mel. Donc, en fait, il y a toute une gradation de villes grandes, moyennes et petites. Et ça, il faut vraiment y réfléchir de manière collective. Oui, Didier. Encore une question sur, bon, Bénédicte, tu parles d'hyperréalisme. On a aussi parlé d'utopie urbaine. C'est pas en contradiction, c'est pas... D'utopie urbaine. Pas d'utopie urbaine, de quelque chose de nouveau, justement, dans quelque chose qui renvoie vers l'imaginaire, vers une autre vie, quoi. Et si, alors c'était tout l'intérêt à la conférence des dessins de notre camarade Vito, qui est donc illustrateur, notamment au journal La Décroissance, et qui nous montrait à quoi ressemblerait une ville dans laquelle on aurait envie de vivre. Donc, dans laquelle on repense, par exemple, toute la ceinture urbaine pour que ce soit une ceinture maraîchère, dans laquelle on fait vraiment la sortie du tout voiture. Et donc, ça oblige à réorganiser quand même beaucoup de choses, où on change les types de constructions, on arrête de passer par ces constructions standardisées, industrialisées, qui font travailler les grands groupes, on fait de la rénovation, on respecte le bâti ancien, local, etc. En fait, les solutions, on les a, c'est ça le pire. On les a, encore faut-il avoir l'envie politique, en fait, de les mettre en, et le courage politique de les mettre en place. Et justement, ce sujet, je crois qu'il faut aussi convier, faire participer les citoyens, enfin les qui sont directement concernés. C'est un peu notre projet. Ben, c'est le challenge qu'on pose tous ici autour de la table. Hein. On est... C'est la mobilisation effectivement citoyenne, et ça effectivement va falloir trouver les moyens de bien convaincre tout à chacun, tout à chacune, si je puis dire, que en fait ces sujets-là, en fait, ils peuvent s'autoriser. Non seulement ils peuvent s'autoriser à y réfléchir, mais ils doivent y réfléchir. Et donc à côté du politique, des services techniques, il y a tous les citoyens et les citoyennes qui doivent apporter leur pierre sans jeu de mots à l'édifice. Et puis, contrer effectivement les forces économiques qui sont celles qui dirigent, en fait. Oui, effectivement, une économie libérale, une municipalité libérale travaille avec le patronat, avec les financeurs. En fait, ce qu'on a envie de dire aux citoyens, c'est d'abord... Là, il y a quand même les municipales, il y a des gros enjeux, donc évidemment, il faut aller voter, c'est super important. On s'est rendu compte, donc, sur les 5 listes, voilà, moi je ne parle pas du RN, parce qu'en plus, on ne les a jamais entendus sur ces questions-là, donc, puisqu'ils ne parlent que de sécurité, d'immigration, etc., donc ces questions-là leur passent totalement au-dessus, mais sur les 5 autres listes, on voit qu'il y en a... il y en a au moins 2 qui sont pour nous totalement à côté de la plaque, quoi. C'est-à-dire de Le Maire pour la droite et des Landes pour le PS. Voilà, on va continuer à avoir le même modèle. Donc on a 3 autres listes avec quand même des variations, et j'incite les citoyens à vraiment se pencher sur le programme de ces listes. Nous, association, ça fait 10 ans qu'on lutte. Je pense qu'on aurait vraiment envie qu'il y ait un relais politique. Donc ma première demande, c'est si vous nous entendez, voilà, renseignez-vous sur les programmes des listes, allez voter. Mais la deuxième, c'est mobilisez-vous. Il ne suffit pas d'aller voter une fois tous les 5 ans, tous les 6 ans. Mobilisez-vous avec nous, parce que c'est quand même notre cadre de vie de tous les jours, notre cadre de vie quotidien. Et on a le devoir de s'en mêler. Enfin, vraiment, c'est super important. Et tout nous incite à nous débarrasser, en fait, de la chose publique. Or là, on est vraiment sur la chose publique qui nous concerne le plus intimement. C'est notre cadre de vie, c'est la nature, la santé, le logement. Ouais. Voilà. Je dirais, avec un petit jeu de mots, il faut se mêler de ce qui va se passer à la mêle, parce que c'est quand même là qu'il y a énormément de budget à réorienter. Merci, on va conclure là-dessus. Bien, on conclut là-dessus, puisque tu le dis. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Et à tous. Merci Yolande. Merci. waiting such a long time. Donc voilà, je vous laisse présenter notre pause musicale par Didier. C'était Chicago, donc Saturday in the Park, samedi dans le parc. Donc... C'était pour justement correspondre au thème. Donc Chicago, c'est un groupe de Chicago, comme son nom l'indique, qui s'appelait au départ Chicago Transit Authority. C'était la société de transport de Chicago. Donc ils se présentaient comme des communistes au départ, avec des nombreuses tournées dans les pays de l'Est, bon, avant de devenir des hippies de luxe, voilà. On passe aux actualités d'attaque. Alors, ben oui, les actualités d'attaque. Alors, je vais revenir en arrière sur deux événements. Non pas pour le 15 janvier, parce que là, on en a parlé. Le 27 janvier, au Méliès, nous avons eu une carte blanche à attaque pour passer le film qui s'appelle Hors Service. Je dis un mot de cette histoire de Hors Service parce que comment ça s'est passé? En fait, j'étais appelé par la distributrice du film qui s'inquiétait de ne pas avoir de demande de la part des cinémas lillois pour passer ce film qui a eu de très bonnes critiques dans Le Monde, dans Positif, dans les cahiers du cinéma, c'est pas que dalle, et dans Le Monde diplomatique tout dernièrement, et bien sûr, mais là ça compte pas, c'est dans le ligne d'attaque. Et voilà. Et donc elle m'appelle et dit que vous, puisque vous avez financé le film en partie, vous pouvez faire de la promotion de ce film. Et effectivement, on a relevé le challenge de faire la promotion de ce film et on a averti les copains solidaires. Je pense à Didier, Claire qui est sur le campus ici de la FSU, etc. Alors. Bien sûr, nos services publics faisaient partie aussi de ce film. Alors l'histoire de ce film, je vais très brièvement, c'est 6 démissionnaires de la fonction publique qui expliquent leur situation dans un hôpital désaffecté. Alors ça fait un peu bizarre d'ailleurs le film, mais mais c'est quand même très intéressant et les gens, comme moi d'ailleurs, j'ai eu la même impression d'être un peu gêné au départ par cet endroit sombre, puisqu'il n'y a pas de lumière dans cet hôpital désaffecté. Mais à la fin, on sent qu'on a bien compris l'élément, ce qu'a voulu dire l'auteur. Donc, à boire, on la joue. Et on a eu la chance, en plus, d'avoir un des protagonistes du film, charmant d'ailleurs, Nabil Drissi, qui lui a quitté la police. Et on a entendu des trucs sur la police, pas seulement de lui, parce qu'un copain l'appelle, des choses qui effraient, quoi. Enfin, je le dis en deux mots, un flic qui a dénoncé ses copains qui ont tabassé un jeune arabe, il a été quasiment mis à pied quand il a quitté la police. C'est des choses très sympas comme ça. Bon, voilà, ça c'était pour le film du 27. Et puis le 29 janvier, nous y étions. Là, c'est Claire qui officiait, je viens de parler de Claire pour la FSU, c'est Claire qui officie au nom de nos services publics. Eh bien, c'était le lancement national de ce collectif Nos services publics qui vont adresser 14 exigences aux élus aux candidats des élections municipales. Alors, je n'ai pas les 14 en tête, je ne vais pas les citer, mais vous imaginez bien que le logement fait partie largement, les espaces verts, les enfants aussi, et la démocratie locale, parce qu'on n'a pas du tout été convaincus par la démocratie participative de Mme Aubry. J'en suis un des témoins. Alors, voilà, donc on passe maintenant au positif. Donc, juste aujourd'hui, c'est la fête de l'univers. Alors, l'univers, je vous rappelle, nous sommes sociétaires de ce cinéma. Manque de bol, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui, on est avec vous autour du micro. Et puis, c'est une fête, c'est la journée, c'est la fête des collectifs de l'univers. Donc, c'est un événement festif, familial, participatif, avec du cinéma, évidemment. Mais là, ce sont les plus jeunes qui sont invités à un film pour les plus de 3 ans. Donc voilà, c'est vraiment tout jeune. Une auberge espagnole, évidemment, vous ne pouvez pas l'éviter, des trucs comme ça. Et puis, encore un mot. Et puis, oui, une discussion l'après-midi avec les habitants du quartier de Moulins, dans lequel s'est installé, effectivement, notre le cinéma d'univers. La réunion, ah oui, la réunion des radios des vœux de campus, ça se passe à la maison des étudiants, ça vous intéresse pas forcément, mais nous ça nous intéresse. Et en plus, si on n'est pas du côté bar, je demande bien pourquoi, puisque les vœux, et en plus c'est le 7 février les vœux, alors que généralement c'est jusqu'au 31 qu'on fait les vœux, donc à Radio Campus on ne respecte rien, c'est l'habitude et ça marche très bien comme ça. Le 7 février, il y a 14h30 à la Mresse, il y a l'Assemblée Générale de la Libre Pensée. Nous sommes invités, évidemment, en tant qu'attaque d'ailleurs, invitation de Daniel Dubois, qui occupe le même créneau que nous d'ailleurs. Le deuxième lundi du mois, il y a des boissons prévues là aussi. Il y a également, René, puisque tu penses t'y rendre, à l'Assemblée Générale de NADA, le 11 février. NADA, je rappelle, c'est non à l'agrandissement de l'aéroport de Lille-Léquin, à la Bresse à 19h, donc là, ça concerne plus de monde. Charlène relance la machine après une année blanche, hein, on a constaté tous les deux, oui. 2005, qu'on n'a qu'une nouvelle. 24. Enfin, Attaque Métropole Lilloise est invitée à débattre de la gratuité des transports par une liste citoyenne de candidates au municipal de Lambersart. Oui. Toujours le travail de René. Oui. Nous avons proposé des dates de rencontre. Nous sommes invités avec Yves Pira qui, lui, défendra évidemment la régie publique de l'eau dans la métropole et les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Merci Christian. Et donc, c'est la fin de cette émission et on se retrouve le 21 février, le troisième samedi du mois, comme d'habitude. Beau week-end à tous. Blanche le jour J, moi. Je crains les églises et j'ai peur des mairies. J'ai peur des médiocres excuses qui feront taire le silence. J'ai peur des meilleurs moments de notre existence. J'ai peur des médecins qui viendront me dire que tu ne peux plus guérir. J'ai peur des météorites qui s'abattront sur moi quand j'apprendrai que tu me quittes, que tu t'en vas. J'ai peur des métros qui ne viendront pas. J'ai peur d'aimer trop. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que... sans